Yeah. En musique, c'est comme en couple, faut faire des concessions. Mais il ne faut pas que ça devienne une obsession. À force d'en faire, on n'est plus tout à fait soi-même. On risque de déplaire aux gens qui nous aiment. Faire de la musique, ça n'est pas des mathématiques. Faire un tube, ce n'est pas non plus systématique. J'en ai assez de faire ce que l'on attend de moi. Je veux faire ce qui me plaît en espérant que ça plaira. J'ai décidé d'être moi-même. J'ai décidé d'être moi. Peu importe que les gens m'aiment ou pas. Ce qui est sûr, c'est que je ne changerai pas. J'en ai rien à faire du système. Prenez ça comme un mea culpa. J'ai décidé d'être moi-même. J'ai décidé d'être moi. J'ai décidé d'être moi. J'ai décidé d'être moi. J'ai décidé d'être moi. Préférable que tu restes dans ta case si tu veux pouvoir continuer de marcher. Ils m'ont dit arrête avec tes chansons d'obsédés. Durant un moment, oui, j'ai bien failli céder. Les maisons de disques ne cherchent qu'à vendre des CD. Je suis sûr qu'en secret, ils aimeraient que je sois décédé. J'ai décidé d'être moi-même. J'ai décidé d'être moi. Peu importe que les gens m'aiment ou pas. Ce qui est sûr, c'est que je ne changerai pas. J'en ai rien à faire du système. Prenez ça comme un mea culpa. J'ai décidé d'être moi-même. J'ai décidé d'être moi. J'ai décidé d'être moi. J'ai décidé d'être moi. J'ai décidé d'être moi. J'ai décidé d'être moi. J'ai décidé d'être moi. J'ai décidé d'être moi. À aucun moment je ne cherche à te plaire. Si tu ne m'aimes pas, d'autres le feront pour toi. Si tu préfères les autres qui seront moins sincères, je ne te juge pas et respecte ton choix. Tu dis qu'il y a meilleur chanteur que moi. Je ne dis pas le contraire. Mais dans ce que tu fais, il y a certainement plus fort que toi. Mais moi, je ne t'empêche pas de le faire. J'ai décidé d'être moi-même. J'ai décidé d'être moi. Peu importe que les gens m'aiment ou pas. Ce qui est sûr, c'est que je ne changerai pas. J'en ai rien à faire du système. Prenez ça comme un mea culpa. J'ai décidé d'être moi-même. J'ai décidé d'être moi. J'ai décidé d'être moi. J'ai décidé d'être moi. Oui, décidé d'être moi. J'ai décidé d'être moi. J'ai décidé d'être moi. J'ai décidé d'être moi. J'ai décidé d'être moi.